Cours numéro 8. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wahdahu was-salatu was-salam ala man la nabiyya ba'dahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Sheikh Abdul Salam Ibn Burjis rahimahullahu ta'ala al-'a'iq as-sadis al-ghurur wal-'ujb wal-kibr. Sixième obstacle, al-ghurur wal-'ujb wal-kibr. Après avoir cité At-Tadarruj, la méthodologie correcte pour avancer, celui qui délaisse cette méthodologie, ça sera un obstacle. Limada, il ne va pas connaître At-Tariq, la façon, le chemin pour arriver au but. Fahada, il perdra du temps, et Rabbama, ça sera une cause qui délaisse l'ilm, et Rabbama, ça sera une cause qui comprend mal le masail. Et c'est billah, fat-tadarruj, c'est muhim. Après avoir cité hada, il cite hada al-a'iq, al-ghurur wal-'ujb wal-kibr. Fat-talib al-'ilm doit avoir un bon comportement. Parmi les obstacles qui empêcheront ce talib d'avancer dans l'ilm, même s'il fait des efforts, c'est le mauvais comportement. Et parmi les mauvais comportements, les plus graves, al-ghurur wal-'ujb wal-kibr. Ay l'orgueil. Aïe, se vanter, rabaisser les autres, se montrer, ayyadam billah. Tout ça, c'est des mauvais comportements qui handicapent cet étudiant. Même s'il fait des efforts. Les anna al-ilm, il sera utile bil-amal. Wa hada al-ilm, il nous ordonne d'être modeste, de respecter ton frère, al-muslim, al-sunni. خاصةً si c'est un talib ilm comme toi. Al-ujb, قال بعض العلماء منهم عبد الله بن المبارك رحمه الله سئل عن مفهوم العجب. C'est quoi العجب? أما الغرور والكبر فسي كوني l'orgueil وإنسان يغتر بنفسه أنهم il aime se montrer, il aime être au-dessus des autres, il a آخره. والعجب, ils ont posé la question à عبد الله بن المبارك رحمه الله الإمام الكبير فقال أن ترى سيكون العجب أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك أي penser avoir une chose que les autres ils ont pas. بعضهم إلى هذا المرض العجب أنه كأنه il y a que lui qui comprend, les autres ils comprennent pas. أنه il y a que lui qui peut poser la question à tel cheikh, les autres ils ont pas le droit. Anahu, ça doit être lui la référence. C'est ça, al-ujb wal-ghurur bin-nafs, iyadam billah. Enfin, on fait attention. La tadhun annaka, tu as appris quelque chose, anahu, c'est forcément l'haq, et si quelqu'un te contredit, il est forcément à la batil. C'est ça, al-ujb. Écoute ton frère. Soit ainsi, ton frère, il est à la huda, et kadali, qui fait des efforts, fait l'ilm. Enfin, ne pense pas que tu as forcément raison. Ça, c'est un khata kabir. وقال البشر بن الحارث رحمة الله عليه كما في حلية الأولياء أما الأثر عبد الله بن المبارك رحمه الله ففي شعب الإيمان للبيهقي وهذا في حلية الأولياء لأبي نعيم قال العجب أن تستكثر عملك وتستقل عمل الناس أو عمل غيرك سأسأل العجب سكتو عمل même s'il est peu. Fa'iyadun billah, tu le vois énorme, et le amal des autres, même si c'est un amal walillahi alhamd fihi khayr, fa pour toi c'est rien. C'est ça l'ujb. Wa ba'd an-nas yubtalu bi hadha al-marad. Son frère, s'il fait des efforts, il a akhir, il lui donne aucun haq. Et lui, rubbama, il a appris quelque chose, ou il a su an al-haq fi hadha al-bab, c'est kada. فكأنه خلاص سلا ريفيرونس كأنه حافظ الزمان كأنه شيخ الإسلام alors que ça reste peut-être un talib ilm débutant si c'est un talib ilm. On fait attention à هذا يا إخوة, et on répète toujours, on n'est pas à l'abri, لأن الشيطان يجري مجرى الدم. Le shaitan, il fait tout pour égarer l'insan. Khassatan talabat al-ilm, il essaie de les égarer avec ce genre de comportement. Qala Sheikh Abdul Salam, ma'asiyatullah, تعالى عائقة عن نيل العلم الشرعي لأنه نور الله يقذفه في أفئدة من يشاء من عباده ولا يجتمع في قلب نور وظلمة ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله. شيخ عبد السلام يقول هنا أن parmi les plus grands obstacles et entre l'étudiant et l'ilm, c'est الذنوب والمعاصي, les péchés. لماذا؟ لأن هذا العلم c'est du nour. Et les péchés c'est ظلم, شر. Et la lumière et l'obscurité, ça ne se rassemble pas. Enfin, on fait attention à l'ma'asi. Al-ilm, ce n'est pas que le hifz. Al-ilm, ce n'est pas qu'assister au durus. Al-ilm, ce n'est pas des connaissances. Je connais un tel ou un tel. Al-ilm, c'est huda. C'est la guider. Et il faut mettre en application. Ben, si quelqu'un connaît une chose, il fait une ma'asi et contredit cette chose, ce n'est pas du ilm. Même s'il pense que c'est du ilm. بل هذا سيكونتر لوي يوم القيامة. قال ورحم الله الشافعي حيث قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. أبيات جميلة, c'est des vers de poésie جميلة هذه. أن الشافعي رحمه الله s'est plaint auprès de وكيع الإمام رحمة الله عليه سوء حفظه أي أنه il avait du mal à apprendre par cœur. فأرشدني وكيع il a conseillé l'imam الشافعي de délaisser les معاصي, délaisser les péchés. ثم il lui a informé pourquoi. وأخبرني بأن العلم نور. لماذا؟ لأن العلم c'est une lumière, نور. ونور الله لا يهدى لعاصي. Et Allah سبحانه وتعالى il donne pas cette lumière, هذا العلم, هذا النور à quelqu'un qui fait pas d'effort et qui fait des péchés. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de péché là. Al-insan, il n'est pas ma'asoum. Lakin, se laisser aller, ne pas faire tawbah, savoir la vérité et ne pas faire d'effort pour délaisser hadhihi al-ma'asiyah, c'est une cause qui écarte ce talib du 'ilm. Wa kam min an-nas, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-'afiyah wa sitr, ils ont été écartés, ils se sont écartés du 'ilm à cause de leur péché. Khassatan fitnat ad-dunya. Le talib fait attention. On doit préserver هذه النعمة, ces durus, ces choses que tu apprends par cœur, cet amour que tu as pour l'ilm, ces livres que tu achètes, que tu veux acheter, ces déplacements que tu fais pour l'ilm, tout ça c'est une ni'ma. Ne la minimise pas. Ne pense pas que c'est pas grand chose. C'est quelque chose de azim indallah. Aham shay, sois sincère et fais des efforts et préserve هذه النعمة. Plus que les efforts qu'on fait pour préserver notre argent et la akhir. Léanna ra'su malik, et ton capital, fil haqiqa, c'est hada at-talab, hada al-ilm. Amma l'argent, un jour tu en auras, un jour tu en auras plus. Amma al-ilm, fa si tu l'as, fa incha'Allah, c'est la cause du bonheur fi dunya wal akhir. Lakin, on fait attention au ma'asi, les péchés. قال وإن أقبح ما تلبس به طالب العلم من المعاصي وكلها قبيح التكبر والتعاظم والغرور. Et parmi les plus graves péchés qu'un طالب العلم il peut faire, et comme قال وكلها قبيح, tous les péchés sont mauvais, faut qu'on s'écarte de tous les péchés autant qu'on peut. لكن parmi les péchés les plus graves c'est التكبر والتعاظم والغرور. لماذا؟ لأن البعض ربما ils ne s'en rendent pas compte, ou ils ne donnent pas de l'importance, ou ils pensent que les péchés, c'est que boire de l'alcool, la mixité. Ce n'est pas que ça. Talibul ilm, il doit s'écarter kadalik de ces péchés qui sont très très graves. Les mains, les annas, ça touche le cœur. At-takabbur, l'orgueil, wa ta'adhum, et ne pas avoir de modestie, wa al-ghurur, ayyadam billah. Et ça se ressemble, filmana. قال فيزدري هذا ويترفع عن هذا ويتبختر في المشي ويتشدق في الكلام إلى غير ذلك من صفات العجب بالنفس التي نهى الله تعالى عنها في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فنهى الله سبحانه وتعالى عن التكبر dans la démarche كما في سورة لقمان وقال المرح التبختر وقال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين التواضع c'est مهم pour un طالب علم فبعضهم كما قال الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه يترفع عن هذا صحيح أن البعض عياذا بالله peut-être qu'ils ont commencé à faire des efforts في العلم إما en voyageant إما avec des dourous إما des assises au lieu d'être modeste envers ses frères خاصة العوام qui ne comprennent pas certaines مسائل فبعضهم quelques temps في طلب العلم ثم يبخن les gens de haut ترفع et ربما ils parlent plus de la même manière et ربما la démarche elle change حتى comment ils s'habillent كأنه il est au-dessus des autres et هذا c'est un خطأ كبير طالب العلم ça doit être un مفتاح للخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مغلاقا للشر si tu as compris alhamdulillah ihmadillah tu étais comme cette personne que tu prends de haut l'un. Peut-être qu'il ne sait pas, montre-lui. Même s'il n'a pas accepté, isbir alayh, peut-être que tu lui as mal montré, peut-être que tu t'es précipité, peut-être que c'est toi qui n'as pas compris. Ala kulli hal, at-tawadhu, la modestie, c'est un comportement tayyib. On fait attention à hadha. Ali hadha Luqman, radiyallahu ta'ala anhu, رجل صالح الله سبحانه وتعالى إلى cité son histoire في القرآن بل une sourate entière elle porte son nom il a conseillé à son fils ولا تمشي في الأرض مرحا fais attention à ta démarche تحية بعضهم طلبة علم et tu les vois فقط la démarche أنه y a un manque de تواضع لماذا est-ce que t'es mieux que les autres tu sais ce qu'il y a dans son cœur On fait attention, Wallahi, ba'dhum, rubbama, c'est un ami. Et ba'dhum, ils les prennent de haut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbuhum. Pourquoi? Li'annahum, ils sont sincères. Mukhlissoun, sadiqoun. Pourquoi les rabaisser alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il les aime? Fala yajouz. Ça va changer quoi de prendre les gens de haut, de changer sa démarche? Hatta ba'dhum talabul ilm, et même le langage, c'est plus le même. أنه يتكلف أنه veut se montrer veut montrer qu'il est éloquent الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب ça sert à rien tout ça fait du mal au talib parce qu'il élève c'est l'ilm ou l'amal أما que les gens ils disent que Fulan il a étudié Fulan il est éloquent Fulan il s'habille de telle façon Fulan il a voyagé qu'est-ce que ça va faire les gens ils vont le dire et après l'essentiel c'est Ridallah أما ces gens ربما qui te complimentent aujourd'hui بل بعضهم ربما ils vont vite exagérer هكذا surtout à notre époque tu fais un dars une kalima une khutba peut-être que certains ils exagèrent très très vite n'oublie pas que هؤلاء ils exagèrent aujourd'hui et demain ربما يطعنون فيك très très vite ça change très vite pourquoi essayer de les satisfaire ou de les impressionner قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه une فائدة في لقاء الباب المفتوح قال رحمه الله بعض طلاب العلم الآن أشفى من العرب أو من الأعراب plutôt بعض طلاب العلم الآن أشفى من الأعراب الأعراب c'est ceux qui vivent في البادية والنبي صلى الله عليه وسلم a informé أن cette catégorie de personnes en général ils ont de la قسوة ils ont de la dureté لماذا لأنهم ils vivent loin de la ville إلى آخره الأعراب Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, قال, certains طلاب, ils sont devenus encore plus durs que Al-A'rab. Pas durs في الحق, là. Plus durs et dans le comportement, ayyadun billah. قال, لا عنده بشاشة ولا تسليم ولا تواضع. Même le visage, tu le vois, il rencontre son frère كأنه حصل ما أدري. Pas de sourire, pas de تواضع. بعضهم ربما طلبوا العلم un mois, deux mois, six mois. ثم ils reviennent dans leur ville, dans leur pays, peut-être que parler avec son frère là, كأنه son frère il est pas à son niveau. عيادا بالله. تواضع c'est مهم. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a facilité هذا. فحمد الله. Ahmadillah essaye d'être une clé de réussite facilitée à tes frères. Un sourire, Rabbama, ton frère, Walillahilham, ça va l'encourager. Ton bon comportement, c'est une da'wa. Amma wahed, Rabbama, il te connaissait. Tu avais un bon comportement, mais tu pars étudier, tu reviens, tu as un mauvais comportement. Rabbama, le shaitan, il te salat alay, et il pourra se dire un. Pourquoi j'irai étudier? Regarde comme ça l'a rendu hou. C'est pour ça que le comportement, c'est une da'wa belle, c'est une des plus grandes formes de da'wa fil haqiqa. Bien sûr, sans négliger l'ilm. Lakin le comportement, ça joue un très très grand rôle, khassatan inda l'awam. Al-awam kathir min al-masail al-ilmiya que tu étudieras, ils n'ont pas les capacités de les comprendre. Lakin ils te jugeront directement sur ton comportement. Et ça ne veut pas dire qu'on a un bon comportement pour eux. Là, c'est l'Allah Azza wa Jalla. Mais Allah amarana qu'on a un bon comportement avec eux. Alimada, ce kibr. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, bel ba'adun nas. Kullama zdada ilman, yazdad kibran. Wal iyadu billah. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a connu cette catégorie d'étudiants. Annahum kullama ils font des efforts fil ilm, plus ils font des efforts fil ilm, plus ils ont de l'orgueil, du kibr. Wallahi, le ba'd, hatta salam, ils ne le passent pas à leurs frères. Ka'annahum, c'est un groupe à part. Abadan, inda salaf, c'était pas comme ça. Un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il passait le salam aux enfants. Bel, kama ja'a fi hadith, ya Aba Umayr, ma fa'ala al-Nughayr. Le frère de Anas, radiyallahu anhu, Umayr, il avait un oiseau, et à l'époque du prophète, il jouait avec un enfant. Il avait trouvé un oiseau et il jouait ma'at. Et un jour, cet oiseau, il est mort. Et ça a tristé cet enfant. Les enfants, ils sont hakada. Quand ils perdent une chose qu'ils aiment, que ce soit un oiseau ou un jouet, il a arrêté. Un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, c'était Amir al-Mu'minin. Et il avait une dizaine de femmes, alayhi salatu wa sallam. Des enfants, une da'wa à gérer, des batailles, il a arrêté. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma'arouf, il s'est arrêté et il a donné du temps à cet enfant. Et il lui a dit, ya Aba Umayr, ma fa'ala al-Nughayr. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cette phrase, ça a rendu heureux cet enfant. Ya Aba Umayr, qu'est-ce qu'il a fait l'oiseau? Fait haqiqa, une minute, ça a dû prendre deux minutes, cinq minutes, et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a continué. Et dans certains hadiths, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il passait le salam aux enfants. Chacun lui donnait son haqq. Amma hada at-talib, il avance fil ilm, fil haqiqa, il croit avancer. Thumma il donne plus de haqq aux autres, à sa famille, à ses amis, aux muslimoun umouman. Hada c'est adam tawfiq. Et haoula en général, ma'a al-waqt yafshaloun. Lianna al-baraka la fi al-amal. Al-baraka la fi hadi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça montre an al-ba'd yatlubun al-ilm pour se montrer. On fait attention. Valihada, Cheikh Abdussalam, il a cité cet obstacle. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, wal alim haqqan huwa alladhi idha izdada ilman izdada tawadu'an. Mal alim, plus il fait des efforts fil ilm, plus ça le rend modeste. Limada, l'ana, plus il avance fil ilm, et plus il s'aperçoit que, fil haqiqa, il connaît pas grand chose. Amma al jahl, ça arrive beaucoup, les débutants. Vu que c'est encore un ignorant, et il a appris une mas'ala, il a appris par cœur peut-être ce matin, il a appris par cœur peut-être cette risala, il a compris ce sujet, il pense que khalas, c'est Cheikh l'islam. Limada li anna, il connaît pas grand chose, min al-ilm. Amma al-alim haqqan, plus il fait des efforts, plus il se rend compte que, fil haqiqa, ça reste, si c'est un talib ilm, alhamdulillah. Fil ilm, ça éduque al-insan. Wal-jahlu, ça fait que gonfler, que des tromperies, que des paillettes, fal-haqiq. Wallahu musta'an. Intaha kalam Cheikh Ibn Uthaymeen. Qala Cheikh Abdussalam, wa fi as-sahihayn an Abi Hurayra radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, baynama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu muraddilun ra'sah yakhtalu fi mashyatihi إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. Et هذا المتكبر qui marchait sur terre et كان نفسه تعجبه. Et il avait de l'orgueil et il aimait se montrer, se vanter. فالله سبحانه وتعالى il l'a châtié بهذا. قال ابن الجوزي رحمه الله أفضل الأشياء التزييد من العلم أو التزيد من العلم فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه فصار تعظيمه لنفسه مانعا من الاستفادة. Et ça c'est très très grave de penser أن الإنسان خلاص il a réussi ou penser أن c'est bon ce qu'il a appris ça lui suffit. Là, Al-Ghurur, il va rentrer. Bel, kullama, on apprend, kullama, fil haqiqa, ça doit nous montrer, anna, on est encore loin. Et on a beaucoup de choses à apprendre. Khassatan, nahnu, à notre niveau. Amma, nahnu, fil haqiqa, celui qui a du kibr à notre niveau, ça contredit ses preuves et ça contredit la raison. L'imad a avoir du kibr. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris? Par rapport à certains imams, par rapport à certains savants. الحقيقة نحن هنا هنا بالدروا لا شرعا ولا عقلا لماذا لأن notre دين il est interdit et on a rien pour être orgueilleux pour se montrer. C'est comme un mendiant qui a du kibr et il veut se montrer, c'est un mendiant, il a rien, ça rentre pas dans l'aql. هذا فنحن c'est la même chose, نحن on est débutant dans l'ilm, هذا الباب إن شاء الله il est fermé et on avance et on fait des efforts حتى يفتح الله. قال غير أن اقتصار الرجل على علمه إذا ما زجه نوع رؤية للنفس حبس أو حبس عن إدراك الصواب نعوذ بالله من ذلك. وصدق علي بن الثابت حينما قال العلم آفته الإعجاب والغضب والمال آفته التبذير والنهب. بيت جميل. العلم آفته الإعجاب والغضب. Ce qui fait beaucoup de mal au ilm, c'est l'i'jab ou l'ghadab. L'i'jab, l'kibr, tout ce qu'on a cité auparavant, l'ghurur, il a akhri, vouloir se montrer l'orgueil, et kadhalik, s'énerver. Ça fait du mal au ilm. Arubama, tu gardes pas ton calme, tu t'énerves, tu patientes pas, et tu assistes plus au cours de ton shir. Limadha li annahu, arubama, il t'a fait une remarque. Ou tu patientes pas, arubama, ala al-faqr, la pauvreté, et tu délaisses l'ilm. L'insan, il doit patienter. وهكذا avec le mal. والمال آفته التبذير والنهب. Le mal, كذلك, ce qui fait du mal au mal, c'est le fait de gaspiller. قال أيوب السختياني رحمه الله ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. ينبغي للعالم أن يضع التراب. Et certains salafs, ils le faisaient. Non, ils mettaient du turab sur leur visage, tawadu anillah, pour montrer à Nahu, ça reste un bachar. Naam, l'insan est tawadu. Ta'iman, la modestie, c'est un khuluq, azim, que ce soit pour talibul ilm, que ce soit pour le père de famille, que ce soit pour l'imam, que ce soit pour le muslim, chaque muslim, tawadu, la modestie, c'est un khuluq tayyib. Wa man tawadu anillah, rafa'ahu Allah. بعض الجهال pense que en étudiant l'ilm et en se montrant ils font certaines causes pour s'élever eux-mêmes. فلهذا بعضهم يشانج leur démarche, بعضهم يشانج leur façon de parler, leur façon de s'habiller, ils veulent pas s'habiller comme les autres. Et que pour eux, être à part, ils pensent que c'est ça qui va les élever. Wallahi, c'est pas la tenue qui élève et c'est pas la façon de parler qui élève. Abadan, ce qui élève c'est tawadu. العلم فرض زفاف في العلم التواضع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله رفعه الله. Celui qui est modeste pour Allah, Allah il l'élève. Et سيرة السلف il y a beaucoup d'exemples في هذا. وقالوا أي وبعض الأئمة المتواضع من طلاب العلم أكثر علما كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. C'est un مثال جميل. أن celui qui a le plus de علم parmi les étudiants, c'est celui qui est le plus modeste. Et ils ont donné comme image, comme exemple, المكان المنخفض. Un endroit, مثلا une crevasse, elle va l'eau elle va se rassembler dans cet endroit, contrairement à l'endroit élevé. Maintenant, le pic d'une montagne, tu ne trouveras pas d'eau. L'eau, elle descend. Hakada al-ilm. Celui qui se rabaisse, fabi idnillahi azza wa jalla, il acceptera les conseils. Il se remettra en question. Il se corrigera. Mais celui qui veut se montrer, il n'accepte pas. Il a du kibr. Il croit que les conseils, ça doit venir que de lui. Il n'y a que lui qui doit montrer. Il n'y a que lui qui sait. Hakada, il est comme un endroit qui retient pas l'eau. C'est la même chose. Et l'eau, on a, c'est l'ilm. Qala wa qila li hakim. ما النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها؟ قال التواضع. وقيل له فما البلاء الذي لا يرحم عليه صاحبه؟ قال العجب. إيه صحيح. العجب هي مرض خطير. الشيطان هلك à cause de العجب والغرور. يغتر بنفسه. Pourquoi الشيطان s'est égaré cet égarement؟ ولا لم مبين. Il est sorti من الجنة. Il est sorti min Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonnera pas. Matroud min rahmatillahi azza wa jal. Pourquoi? Al-ghurur. Il a pensé qu'il était meilleur que Adam. Alors que Adam, il est afdal min. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi Adam comme nabi. Ouais, il a pensé qu'il était meilleur. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Il a pensé qu'il était mieux. Hatta fi jinsi, annahu il a été créé de feu. C'est quoi qui l'a poussé à sa perte? Est-ce que c'est le manque de ilm? Là, Iblis, il savait très bien. Il a entendu l'ordre d'Allah. Usjud lima khalaqtu bi yadayya. Il savait. Est-ce que c'est le manque de ibad? Là, il était considéré min al-ubbad. Hatta il avait atteint un niveau, il était avec le malaïka, fil jannah. Enfin, c'est quoi qui a fait du mal à Iblis? C'est pas le manque de ilm, c'est pas le manque de ibad. Abadan, ce qui lui a fait du mal, c'est le manque de tawadu. Il voulait se montrer, il n'a pas accepté Allah, il lui ordonne de se prosterner pour Adam. Il n'a pas accepté. Iyadan billah, il s'est égaré. قال شيخ عبد السلام فليحذر الطالب من هذه الصفات الذميمة التي يمقتها الله ويمقتها المؤمنون فإن من تواضع لله رفعه وضده من لم يتواضع لله سفل. صحيح. Donc on sait la solution a'zamul asbab avec l'ikhlas, avec le dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala t'élève akhi al-karim, c'est le tawadu. Ma kana al-abd aw na'am ma kana wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi. Tu veux qu'Allah t'élève, aide ton frère. Wa ba'dhum 'iyadan billah rubbama ils ont appris une chose, ou ils ont acheté un livre, ou ils savent qu'il y a tel dars et ils veulent pas partager aux autres. Il faut que ça reste que pour eux. Ça, c'est très, très grave. Ça, c'est très, très grave. Et ça arrive. La tabunnoun. Wallahi, ça arrive. Pardon, ils ne veulent pas montrer aux autres. Hatta, il n'y a que eux. Ils ont cette exclusivité. Les mahdi, les anahoum, ils avaient un passé de certaines choses. Et ta'atharou, et ful ilm, ils ont mis les mêmes choses. Là, l'ilm, c'est du partage. L'ilm, c'est le bayan. Peut-être que si tu es la cause, un afoulan, il a appris cette chose, tu as la même récompense. Amma, les cercles fermés, restreints, et on ne partage pas, ça c'est un manque de tawadu. Isma' ce kalam de Cheikh Abdussalam. Il va faire une nasiha jamila. Et il va mettre en garde contre ha'oula, ceux qui ont ce mauvais comportement. Qala, falihdhar, ou qara'na, wa idha haddatathu nafsuhu bishay min dhalik, falyadhkur ma'alahu wa masirahu wa liya'lam, أن هناك من هو أصغر منه سنا وأكبر منه علما. Après avoir cité la maladie, le danger, l'orgueil, العجب, الغرور, رحمة الله عليه, il cite la solution. لأنه on n'est pas à l'abri. خاصة في بداية الطلب. والشيطان يجري مجرى الدم. الإنسان قد يحصل له شيء من هذا أو son نفس le pousse à هذا أو des choses dans son cœur, أنه il voit du monde, أنه quand ça t'arrive, Akhil Karim, et on n'est pas à l'abri, applique cette nasiha, les jamila. فَلْيَذْكُرْ مَآلَهُ وَمَصِيرًا. N'oublie pas d'où tu viens et où tu vas. أن الله سبحانه وتعالى t'a créé à partir de rien, et كذلك أن tu finiras sous terre, et tu auras des comptes à rendre. Ah, là, ça va te remettre à ta place, بإذن الله. قال وَلْيَعْلَمْ كذلك une autre chose, أن هناك من هو أصغر منه سنًا وأكبر منه علمًا. كذلك, remets-toi en question, Anna, فالحقيقه في العلم tu connais pas grand chose. Si tu as appris quelques hadith, فعلم ان بعض الطلاب بعض المشايخ بعض الائمه ils en connaissent des milliers. Si tu as étudié un livre, فعلم ان البعض ils ont étudié des centaines. Si tu as acheté quelques livres, فعلم ان البعض ils ont une maktaba كبيره جدا وهكذا. دائما tu te rappelles de هذا. Et فالحقيقه et on a déjà cité cette faïda kathiran, ان ce qui pousse et ce qui aide le talib à être modeste, c'est de lire la biographie des salafs. Il y en a les efforts qu'ils ont faits, on ne les fera jamais. Illa an yasha Allah. Que ce soit fil hifd, que ce soit fil amal, que ce soit fil safar, fil rihla, que ce soit fil julous, inda al ulama, que ce soit fil attawadu, c'est incomparable. Enfin, en lisant, en revenant à sirat haoula, ça va te pousser à être modeste. Mais le بعض, Allah subhanahu wa ta'ala وفقهم, ils ont voyagé et ils ont étudié et ربما ils reviennent dans leur pays et leur pays c'est un pays de jahl et les gens ils sont pas حول العلم لا آخره, enfin, ça les pousse à l'orgueil, ça les pousse à l'orgueil. لماذا لأن il est entouré de هؤلاء, enfin, c'est pour ça que l'ulama il conseille reviens à sirat al-salaf et essaye d'être une porte de bien pour هؤلاء. قال رحمه الله وقد بلينا أي ابتلينا في هذا الزمن بشرذمة قليلة. الشرذمة c'est الطائفة un groupe قليلة ولله الحمد, أما كثير من طلبة العلم ولله الحمد ils sont على خير, ils sont modestes et ils ont un bon comportement الحمد لله. لكن on appuie نحن sur هذا, لماذا لأن الشيخ عبد السلام il l'a cité comme obstacle, أما الخير il est حاصل. لكن ce groupe أي certains étudiants qui ont un mauvais comportement, قال يقرؤون كتابا أو كتابين ويحفظون مسألة أو مسألتين ثم بعد يوم أو يومين من أعمارهم في الطلب يصبحون مجتهدين. الحقيقة هذا صعيب من الجهال, طلبة علم لكن ils sont encore débutants, ils n'ont pas beaucoup de علم. فكما قال ils ont étudié un livre أو deux livres, ils veulent ناقش tout le monde. Une مسألة ils ont étudié أو deux مسألة ils ont compris, ils veulent naqash tout le monde. Et le kibri rentre, et al-jidal, ou al-niqash, et ça revient plus à ahl al-ilm, ça écoute pas, ça se précipite. Hatta ba'adhum, ils arrivent, iyadam billah, mitl al-khawarij, antum rijal, wa nahnu rijal. Hakada, al-khawarij, ils se sont égarés. À l'époque, quand ils se sont égarés, al-khawarij, il n'y avait personne, min ashab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma'ahum. Et en haqiqa, ça suffit pour montrer leur égarement. Les anna, ils seraient à la haq, il y aurait des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, quand ils ont sorti le khawarij, il y avait encore des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et autres. Enfin, au lieu de se remettre en question, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, hum rijal wa nahnu rijal. C'est des hommes et nous on est des hommes. Kibr wa ghurur. Fabardhum l'an, c'est la même chose. Ya akhi, ne te précipite pas. Ya akhi, reviens à l'ilm. Ya akhi, tu viens de débuter. Al-Masa'il, c'est pas comme ça. Même si le ba'd, ils le disent pas avec l'issan al-maqal, ils le disent avec l'issan al-haq. Et le comportement, il prouve هذا. Ça vient de quoi هذا? Un manque de tawadu. Al-insan, il fait attention de ne pas croire annahu khalas, il maîtrise des sujets. Annahu, il a compris. Annahu, il a plus besoin de revenir aux autres. Là, revient à ahl al-ilm. Khassatan quand la mas'ala est khilafiyya et personne min ahl al-ilm a dit ton qawl. Fa hada al-hal, i'lam anna c'est une porte d'égarement qui est ouverte et remets ton avis en question. Bal idrib bihi 'ala al-ha'it, ton avis jette-le contre le mur. Hada al-hal. Li'anna al-haq qadim. Al-haq il a toujours existé wa lillahi al-hamd, fa al-insan fait attention. C'est un bab khatir. Qala وليتهم يقتصرون على هذا الخيال الكاسد بل يستصغرون غيرهم من العلماء بل طلبة العلم والدعاء صحيح أن مع هذا ce mauvais comportement et ce manque de modestie ça les pousse en général يستصغرون العلماء. C'est pour ça que كثير من الناس quand ils étaient ignorants ils respectaient les ulama. شيخ فلان وشيخ فلان ويحبونهم. Tu trouves là-bas, يطلبون العلم ثم quelque temps طعن. Alors que l'alim c'est le même. L'alim c'est un sunni, il est pareil. ربما il est mort. Et tu trouves le ba'd yataghayyarun. Limana li annahum, soi-disant, ils ont ouvert les yeux. Ils ont ouvert les yeux. L'insan, il fait attention. Ulama, c'est l'ulama. On n'a pas une croyance annahum, ils sont affaib, ma'asumun, abadan. Lakin, al-adab, et al-tawqir al-ulama, ou al-ihtiram, ou al-tawadha, et on ne se précipite pas. لماذا لأن سجن دو بيرسون الآن كما قال الشيخ عبد السلام ثم بعد يوم أو يومين un jour deux jours et c'est une façon de parler et un temps très court ça peut être un mois deux mois six mois في العلم on doit faire attention en six mois خلاص on revient plus aux efforts des imams de la sunna 40 ans 50 ans في العلم on fait attention c'est pas من باب التواضع هذا c'est من الغرور. Et Shaitan, il essaie de nous égarer min hadha al-bab. Anna, on a compris, khalas, la. Qala, wa yarawna li anfusihim makanan aliyan la yassil ilayhi ahad. Anna, ils pensent qu'ils ont atteint un niveau que personne ne peut atteindre. Yadhhar dhalik ala malabisihim wa mashihim wa kalamihim fa inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Cheikh Abd Salam, yaqul anna hadha ça se voit dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de marcher et dans leur façon de parler. Un manque de tawadhu. L'insan yatawadha et on fait attention kadalik de ne pas faire partie de ce genre de personnes à nos maisons après une mas'ala, khalas, ils veulent absolument la montrer. Ça c'est pas minat tawadhu. Al-ba'd matalan, ils ont assisté à un cours ou ils ont lu quelque chose, khalas, ils veulent absolument le montrer aux autres. Pas minbab anna, je vais te le montrer pour que ça te soit utile là. Et il veut montrer qui c'est. Et là, c'est très grave. Là, tawadhu, ce que tu as lu, Rubama, certains, ils l'ont lu bien avant toi. Enfin, si tu as compris, alhamdulillah, si tu as une faïda, fanote-la. Propage-la. Amma, vouloir te montrer un nakatusé, là. Ça, c'est minash shaitan. Comme minannas, ils connaissent des fawaïd. Lakin al-ujb, ça donne hada. Comme il dit, annahum, ils pensent qu'il n'y a qu'eux qui lisent, il n'y a qu'eux qui écoutent, il n'y a qu'eux qui connaissent, et les autres se déségarent, ils ne veulent pas le haq. Ça, ce n'est pas minat tawadhu. La chakana, wa'adnas, ils font partie de Ahlul Ahwa, ils ne veulent pas le haq. Lakin, fais attention, akhil karim, de ne pas tout mélanger. Et de ne pas accuser bi-ghayri haq. Ça, c'est très très grave. Qala, inna lillah wa inna ilayhi raji'un wa ma a'zam adhararuhum wa aqal naf'uhum wa amtan jahluhum nas'alu Allah ta'ala an yahdiyahum sawa' as-sabil. Ma'a hadha kama qala shaykh al-salam wa ma a'zam dararuhum. Ils font beaucoup de mal. Pourquoi? Lian ba'd an-nas quand ha'oula ils ont un mauvais comportement, pas de salam, pas de sourire, rubama ils prennent les gens de haut, rubama ils rabaissent, ba'dhum ils parlent très mal au nom du ilm. Au nom de Ad-Da'wa Salafiyya, ils font beaucoup de mal. Thomas, tu trouves Ba'd al-Juhal, Masakin, ils n'ont pas de témis, ils disent, mais regardez, un tel il a fait, et hum, ils mettent tout le monde dans le même sac. Enfin, Ad-Darar, il est kabir. Comme Minannas, ils ont fait du mal à une da'wa tout entière à cause de leur comportement. Alors, Ba'd, ils ont un mauvais comportement, et Yaruddoun, soi-disant, à la Ahl al-Bid'a, et ils pensent que ça lui autorise d'avoir un mauvais comportement, d'être injuste. Thumma, il fait du mal à tout. Même si à la base, le rad c'était haq. Et la personne qui était mise en garde, elle était à la base. Lakin, il fait du mal à tout le monde. Qala, wa aqal naf'uhum. Et kadalik, al-fa'ida, li qalila ma'a ha'oula. Tu les trouves la drousse, wa la ta'awun. Et pas grand chose, fil ilm, fil haqiqa. Fitan, qil, wa qal. قال وامتن جهلهم نسال الله تعالى ان يهديهم سواء السبيل نعم on fait الدعاء pour هؤلاء et si quelqu'un connaît des personnes مثل هؤلاء النصيحة et البيان et il leur montre لعل يستفيدوا قال والى هؤلاء السوق فضلا نفيسا لابن الجوزي رحمه الله حيث يقول انتقدت على أكثر العلماء والزهاد أنهم يبطنون الكبر فهذا ينظر من موضعه وارتفاع غيره عليه وهذا لا يعود مريضا فقيرا يرى نفسه خيرا منه وقل من رأيت إلا وهو يرى نفسه والعجب كل العجب ممن يرى نفسه أتراه بماذا رآها. أي نعم الجوزي كن سيها أولا Ibn Jawzi fait partie par rapport à nous, mais al-mutaqaddimin. Anna ba'dhuhum, à cause de le kibri, il ne visitait pas son frère malade. Peut-être que son frère, c'est un ami, un jahil, il n'a pas son niveau de l'ilm, il ne le visite pas. Limadha li annahu, il faut qu'il visite des gens de son rang. Iyadam billah. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a conseillé de rendre visite aux malades musulmans. Ben, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a rendu visite à un yahoudi, min bab al-da'wa. Pourquoi les an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il pensait, et son objectif c'était da'wa. C'est pour ça qu'il a visité un juif. Amma ceux qui pensent qu'à eux, enfin peut-être son frère musulman, il ne va pas le visiter. Les malades, il pense à lui. Alors, peut-être que si les gens ils entendent ou ils le voient, il a visité Foulan, que annahu c'est un rabaissement. Et la récompense, Aynahi. Celui qui pense à la récompense, il ne regarde plus les gens. Celui qui oublie la récompense, il pensera qu'aux gens. Et leur récompense, elle met annahum, ils ont dit sur lui, ils ont dit sur lui. Qala, in kana bil'ilm, faqad sabaqahu al-ulama. Wa in kana bil-ta'abud, faqad sabaqahu al-ubbad. هذا جميل لا سيتي ولله الحمد قال ابن الجوزي رحمه الله أتراه بماذا رأها أي pourquoi il pense qu'il est mieux que les autres et il a de l'orgueil et عجب إلى آخره قال ابن الجوزي est-ce que c'est بالعلم est-ce qu'il pense qu'il a beaucoup de علم c'est pour ça qu'il pense qu'il est mieux que les autres قال ابن الجوزي إن كان بالعلم si c'est العلم فقد سبقه العلماء si c'est بالعلم فسache que les savants ils t'ont précédé Et tu n'arriveras jamais au niveau de l'imam Ahmed, de l'imam Shafi'i, de l'imam Malik, de Sheikh al-Islam, illa an yasha Allah. Azza wa jalla. Hada si c'est l'ilm. Si c'est l'ibada, wa in kana bit ta'abbud, faqad sabaqahu l'ubbad. Si c'est l'ibada, tu as fait beaucoup d'ibada, la ta'tar bi nafsi. Des gens, ils ont fait plus que toi, mieux que toi, avant toi. Ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. As-salaf, bel même des gens de notre époque. Bel rubbama des gens de ta ville, de ta famille. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et wa'ad al-nas, ils ne se montrent pas. Lakin, ils font des ibadat chez eux, ils font des efforts que personne ne connaît. Enfin, c'est pour ça qu'on ne doit pas rabaisser les autres. On rabaisse le bid'a ou le mubtadi'. On rabaisse le kufr ou le kafir. S'ils ne veulent pas écouter, combattre l'islam, ils sont conseillés. On les rabaisse, les mad, les annas, ça fait partie de notre din. Mais ton frère, il veut le haq. Un musulman, il fait des efforts. Les mad, le rabaisse. Aide-le. Si te dépasse, fa fil haqiqa c'est bi qadarillah, et fil haqiqa te dépasser ou pas te dépasser, tout ça c'est min ash-shaytan. On est des frères, aham shayna ta'awun. Qala wa qila aw qabl hadha na'am ila an qala man talamma wa man talammaha khisal nafsihi wa dhunubaha 'alima annahu 'ala yaqin min adh-dhunub wa at-taqsir wa huwa min hal ghayrihi 'ala ash-shakk. Fa alladhi yuhadhdhar minha al-i'jab bin-nafs ورؤية التقدم في أحوال الآخرة والمؤمن الحق لا يزال يحتقر نفسه. إيه نعم. On fait attention de هذا الإعجاب بالنفس. Et penser أن خلاص, on a réussi. ورؤية التقدم في أحوال الآخرة. On ne sait pas هذا. الأعمال بالخواتيم. Et ça c'est une autre solution qui va nous aider à nous rabaisser au حق, à être modeste. Même si tu es à la خير, même si tu as appris aujourd'hui, demain tu ne sais pas. Ça pousse à penser au lendemain et on n'est pas à l'abri. قال وقيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إن مت ندفنك في غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils ont dit à Omar ibn Abd al-Aziz, c'était Amir al-Mu'minin à son époque. Et ils ont dit, si tu meurs, est-ce qu'on t'enterre à côté du prophète صلى الله عليه وسلم? Aïe fil Madina, à côté du prophète صلى الله عليه وسلم, à côté d'Abu Bakr et Omar رضي الله عنه. تأملوا هذا الإمام. Pourquoi il a atteint ce rang élevé? فقال لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. أي il a dit si, أي vaut mieux pour moi que je meure avec tous les péchés, sauf le shirk. Le shirk ça fait sortir de l'islam. أي je reste un musulman, lakin avec tous les péchés, que de penser que je mérite d'être enterré à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que c'était Amir al-Mu'minin, il aurait pu donner cet ordre. Lakin, c'était Amir al-Mu'minin, c'était Amir Salih, Taqi, Alim, min ulama al-Sunnah, rahmatullah alayhi. Qala fi tahdhib al-ahya, huwa al-kibru bil-ilm, wa huwa a'zam al-afat, wa aghlabu al-adwa, wa ab'aduha an qabul al-ilaj, illa bi shiddatin shadida, wa juhdin jahid. وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله عظيم عند الناس وهو أعظم من قدر المال والجمال وغيرهما sahih. C'est pour ça que c'est très très grave. لأن العلم c'est محبوب عند الناس. Ça a plus de valeur que la beauté, que l'argent. Enfin, celui qui a du ilm, s'il ne fait pas attention, ça peut l'emmener à sa perte plus que l'argent et la beauté. Bardenas, ils retarderont à cause de leur mal. Bardenas, ils retarderont à cause de leur jamal, leur beauté. Enfin, ils ont eu de l'orgueil, là. Lakin, l'ilm, c'est plus important que hada. Enfin, on fait attention. Que ça ne nous pousse pas à dépasser les limites. Qala wallan yakdir al-alim ala daf al-kibr. Illa bi ma'rifati amrayn. On ne pourra pas repousser ce kibr qu'avec deux causes. Qala ahaduhuma an ya'lam anna hujjat Allah ala ahli al-ilm akad wa annahu yahtamil min al-jahil ma la yahtamil 'ushrahu min al-'alim fa inna man 'asa Allah ta'ala 'an ma'rifatin wa 'ilm fa jinayatuhu afhash id lam yaqdi ni'mat Allah 'alayhi fi al-'ilm. Awalan أن هذا العلم في الحقيقة c'est une حجة contre nous si on ne l'applique pas. Contrairement au جاهل. الجاهل peut être excusé de beaucoup de choses. Il ne savait pas. قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Enfin, si il ne sait pas, il peut être excusé يوم القيامة. أما celui qui a du علم, ça peut être contre lui. فلماذا الكبر et l'orgueil. Peut-être que cet ignorant, que certains ils pensent أنه il n'a pas le même rang qu'eux, il ne vaut rien, et ils le prennent de haut, il a avalé, peut-être que Yom al-Qiyamah, il sera sauvé. Et Sahib al-Ilm, peut-être que ça sera une hujja contre lui, il ne sera pas sauvé. Ah, ça pousse à la modestie. Al-Ilm, c'est une ni'ma, mais il n'y a pas que ça. Al-Ilm avec l'amal, avec le tawadu. Et on a déjà cité, un parmi les premiers qui iront fil jannah, ça sera celui... Et une catégorie de personnes qui ont appris le Coran et ne l'ont pas mis en pratique. Ils avaient du ilm, le Coran c'est du ilm. Ça n'a été d'aucune utilité. Et tu trouves mille muslimines qui ne connaissent pas grand chose, ils rentreront walillahi l'hamd fil jannah sans passer par le nar. Thaniyan, qala anna al-alim ya'rif anna al-kibr la yaliq illa billah azza wa jal wahda wa annahu idha takabbara sara mamqoutan inda Allah baghidan. Sahih. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mutakabbir. Pourquoi essayer, iyadan billah, d'avoir du kibr, alors que on lit le hadith, قال الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى العز إزاري والكبرياء ردائي. الكبرياء c'est من صفات الله عز وجل. هذا سبوس الإنسان أنه il est modeste. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le mutakabbir. Limada? Li'annahu c'est l'aziz, c'est l'qawi, c'est l'khaliq, c'est l'jabbar. Il fait ce qu'il veut, azza wa jal. Amma nahnu on est des ibad, dhu'afa. Allah il nous a créé à partir de rien. Une petite chose ça peut nous rendre malade. Une petite chose on peut oublier tout ce ilm. Wahad qui a hafad tant de hadith, qui a hafad le Coran, qui a fait des durous. Une petite maladie, rubbama t'oublie tout. Falimada al-kibr? Qala. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا كذلك سبوس على مودستي. الله سبحانه وتعالى يدتست المتكبرين. الله سبحانه وتعالى يلمبع العباد كي عندو كبر. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة celui qui a مثقال ذرة. Quelque chose de très petit. Min kibr. Faqal al-rajul. Inna al-rajul yuhib an yakun thawbahu hasanan wa na'lahu hasana. Un homme, quand il a entendu Abdullah ibn Mas'ud, ou quand il a entendu un Nabi sallallahu alayhi wa sallam citer ce hadith, faqal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-rajul, ay l'être humain, l'homme et la femme كذلك, ils aiment bien avoir des bons vêtements. كذلك نعل حسنا النعل c'est des sandales. Avoir des bons vêtements, des belles chaussures, ربما une belle monture. فالرجل il a cité هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. Et est-ce que ça fait partie du kibr? فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. Allah il est جميل. يحب الجمال. الجمال c'est la beauté. Allah il aime la beauté. Enfin, celui qui prend soin de lui, qui met des beaux vêtements, la propreté, ça fait partie en rien du kibr. Et Cheikh Abdus Salam, il a cité Had à la fin, et c'est Tayyib, pour bien montrer c'est quoi le kibr. Talib ilm qui s'habille bien, qui a une belle monture, مثلاً à notre époque une voiture, qui prend soin de lui. Hada, ça n'a rien à voir avec le kibr. Bel Allah subhanahu wa ta'ala, il aime Hada. Lakin c'est quoi le kibr? قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. C'est ça le kibr. C'est pas le fait de bien s'habiller. بطر الحق أي رده. Rejeter le haq. C'est ça le kibr. وغمط الناس قال شيخ عبد السلام غمط الناس احتقارهم. Rabaisser les autres. C'est ça le kibr. Pourquoi tu rabaisses ton frère? Est-ce que tu es meilleur que lui? Ma tadri. Est-ce que tu auras une meilleure fin que lui? Ma tadri. Tu sais pas. Enfin, pourquoi le rabaisser? Il s'est trompé, montre-lui. Il a fait une erreur, montre-lui. Il ne sait pas, enseigne-lui. Pourquoi le rabaisser? Kadhalik al-haq. Pourquoi le rejeter? Pourquoi Wadanas il rejette le haq? C'est le kibr. Il ne veut pas admettre un ahou, je ne sais pas. Ou il ne veut pas admettre que cette faïda ou ce haq, il vient d'un tel. C'est ça le kibr. Amma talib ilm, il s'habille bien. Il prend soin de lui. Wahid, il lui montre quelque chose qu'il ne savait pas. Il dit barakallahu fik. Aïn le kibr. Et il يتعامل مع الناس بتواضع. أين الكبر؟ فالكبر سهذا. C'est ça. بطر الحق وغمط الناس. أي rejeter la vérité et rabaisser les autres. C'est ça le kibr. فالعناية بالأخلاق. On fait des efforts dans le bon comportement. On a une mesoulia. On a une mesoulia. Et on doit faire des efforts avec nos frères, s'entraider معهم avec un bon comportement. Et quand on a des faiblesses, on n'est pas à l'abri. On se corrige. Et نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والسداد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.